Ce mercredi, à Assemblage requis, Simon Fitzbé déterre l'histoire de la mort de Kurt Cobain dans sa chronique Paul is Dead. Et en compagnie des incorrigibles, on découvrira si Pat a réussi à tenir le pari qui s'est lancé la semaine dernière. Tout ça dans une édition fumante d'Assemblage requis, mercredi 15h.